Oui, 1488, l'aube d'une ère nouvelle, membre fasciste de la famille hyperboréenne. Fierté blanche, en avant qu'on s'élève. Parfois je me demande si ça vaut le coup de persévérer quand les youpins diversifient notre mode de vie à l'envers. Je le sens tes gamins en grandissant dans le décor, les plans vrais et les faux, des traîtres au corps. Ils cachent qu'ils sont l'élite choisie, ces menteurs, t'es pas des nôtres. Ton nez trahit ta rancœur, alors stop tes discours mielleux. Arrête tes combines, ça me touche pas ni mes ariens. On reste en ligne, je crois pas tes mythes, tes mensonges fabriqués. Culpabiliser les goyims pour mieux les enchaîner. Jusqu'à ce que les masses s'éveillent, bien des faux tomberont, les zèbres bidons seront virés face à la race qui cogne. Combien de juifs agissent ainsi, dis-moi, se disent blancs, tout en poussant leurs plans dans le noir. Tout s'explique, l'Occident chute, c'est clair, nos chefs bossent pour des sionistes, génocide blanc dans l'air. Encore une fois, hébreux sur terre blanche, pour l'usure, les arnaques, ils s'installent en avalanche. De l'intérieur, Ashkenaz avance. Pas besoin de noirs, de musulmans, juste des blancs, nom de Dieu. Chaque tribu a sa nation, sauf nous, c'est du feu. Ils savent tous que mélanger les races, c'est malsain. Mais mon peuple avait de cerveau, croit qu'Adolphe fut de vilain. On nous dit mauvais qu'on mérite d'être rayé. Mur pour Israël, mes frontières ouvertes aux goyim relayés. C'est l'agenda de l'U, un camp d'esclaves géré par des banquiers juifs d'élite, déjà testés, périmés. 109 fois, ils ont récidivé, on leur donne une vie dorée, et qu'est-ce qu'on a récolté? Usure, rituel tordu, sacrifice d'enfants détruisent nos familles, poussent le dépravé et l'inconvenant. Expulsés de chaque pays qui leur ouvrait ses portes, breaké 1488, copie, je crache pour les cohortes. C'est pour les goyim vendus, piégés par l'Ashkenaz, on reprend le contrôle, fini de se plier à ces nazes. Pour l'usure, les arnaques, ils s'installent en avalanche. Extra large, encore une fois, hébreux sur terre blanche. Pour nous détruire de l'intérieur, Ashkenaz avance. 2% de la population mondiale, c'est tout, mais ils tiennent parti, banques, médias, partout. La télé gave les moutons de matérialisme vide, pendant qu'ils volent nos libertés dans cette prison libère à la ride. Ils crient antisémites dès qu'on défie leurs pions, diabolisent l'opposition, protègent leurs convictions. Quand ces démons sèment le chaos, le fascisme s'élève, je lance la haine, je fais mal, puis je me barre, soulève. Qui ose croiser mon chemin, je te fais comme en maths, mon gaz fait un bain de sang, un vrai bleu de bas. Au nom de tous les ariens, je roule pour reconstruire leur Reich renaît, je jette ton merdier juif au bûcher de plaisir. Les parties de cocu piégées par l'Ashkenaz, on garde tout en perspective hyperboréenne. On se casse pas, on revient pour vous, c'est l'équipage nordique. Et on frappe fort comme ça dans cette guerre épique. Encore une fois, hébreux sur terre blanche. Pour l'usure, les arnaques, ils s'installent en avalanche. Extra large, encore une fois, hébreux sur terre blanche. Pour nous détruire de l'intérieur, Ashkenaz avance.